King of Pop, Michael Jackson, Wizard sur RTL2. L'info expresso RTL2. Et Jonathan vous l'a dit tout à l'heure dans ce top 3, 298 000 dollars, hein, sa veste. La veste ouais, de la tournée Bad. Incroyable. Et on enchaîne avec un groupe mythique, Coldplay. Exactement, parce que Coldplay, il commence à arriver dans l'âge de la maturité. Ça a 20 ans, ce petit groupe. Déjà. Mais ouais, ça, ils ont 20 ans et il se passe quelque chose d'assez incroyable. Il y a un film qui va sortir et qui va retracer la vie du groupe depuis ses débuts à aujourd'hui. Mais génial. Alors attention, c'est pas on vous raconte l'histoire de Coldplay avec trois musiques et des bouts d'images aujourd'hui. Non, non, puisque c'est réalisé par Mike Whitecross, qui avait notamment réalisé Supersonic, le documentaire sur Oasis sorti en 2016. Il connaît le groupe depuis leur début. Il a des images d'archives depuis la création du groupe, depuis leur premier concert dans les petits bars quand ils étaient étudiants. Donc c'est-à-dire que vraiment, vous allez voir Chris Martin et toute sa bande quand ils étaient gamins. Génial. Et quand ils ont démarré, quand ils avaient plein de rêves, plein d'espoir, plein d'envie et pas encore de succès. Donc si vous êtes fan de Coldplay, sachez qu'aujourd'hui sort ce film. Alors, par contre, c'est pas façon Bohemian Rhapsody. Je vous le dis, d'abord, c'est un documentaire. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas un biopic comme est sorti le film sur Freddie Mercury et sur Queen. Et ce sera projeté lors d'une séance unique. Donc, notez bien, faut pas la louper. C'est aujourd'hui, c'est à 20h et ça se passe dans 42 cinémas Pathé et Gaumont en France et dans plus de 2000 salles dans le monde. Mais c'est seulement ce soir à 20h. Et je vous conseille d'aller tout de suite sur le site d'ailleurs de Pathé Gaumont, parce que je pense que les réservations vont être blindées. Ça va être plein. Et si jamais vous le loupez, parce que forcément vous avez peut-être prévu autre chose, sachez que le documentaire, ce portrait intimiste du groupe, sera ensuite disponible sur Amazon Prime Video et ce sera dans deux jours à partir de vendredi. Voilà. Par contre, il ne faut pas sortir des films sur tous les groupes de musique. Les Worlds Apart, on s'en fout par exemple. Après, pas, commencez pas, pourquoi pas. Ouais, alors ils avaient repris Je te donne, c'est ça? Oui, c'est gentil, mais bon. Bah quand même, écoute, je pense qu'ils ont une vraie histoire également. Toi, t'aimes tout. En fait, t'es trop marqué par Séverine Ferrer et cette époque-là. Tu veux que je te dise? C'est ça ton problème. Voici Angus et Julia Stone sur RTL2. She said, hello, mister. Pleased to meet you.

sur RTL2 Unknown. RTL2, la chanson du jour. Une chanson du jour avec un duo ce matin, Greg. Exactement, à 7h36, une couleur à l'honneur. C'est d'ailleurs comme pour la dernière pub RTL2. Maman, vous vous souvenez, si vous avez vu cette pub, il y a marqué des couleurs et elle apparaît. C'est la couleur rose, c'est pink. Elle est vraiment très belle cette pub, hein, entre parenthèses. Oui, pink aussi d'ailleurs, c'est complètement autre chose, hein, évidemment. Mais pink est en duo avec Ned Russ, le chanteur du groupe Fun. Et ils se sont mis ensemble pour cette chanson qui s'appelle Just Give Me A Reason, qui sera donc ma chanson du jour. Ça date de janvier 2013, c'est extrait de l'album The Truth About Love. Alors, aux yeux de Pink, cette chanson est avant tout un dialogue. Donc elle l'écrit. Et puis elle se rend compte que ça va pas du tout de faire parler les deux personnages à la fois masculin et féminin. Elle se dit c'est pas possible que je le chante tel un monologue, même si c'est le cas dans plein de chansons, parce que à ce moment-là il y aura que des duos. Et elle se dit je vais demander à Ned Russ, le chanteur du groupe Fun, parce que j'adore sa voix. Lui il a jamais chanté en duo, donc il dit écoute je ne sais pas faire. Et ils travaillent ensemble et ils créent cette chanson qui deviendra numéro un partout dans le monde. Et ça devient un dialogue, une conversation entre Pink et Ned Russ. Et l'idée c'est de comment on fait un couple pour que ça dure, pour que ça tienne, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. C'est l'histoire de cette chanson. S'ils ont la recette, je la veux bien, moi. Eh bah, écoute la chanson. Allez. Fais-toi traduire les paroles par Jérémy, notre réalisateur. Ah bah et oui. C'est Pink and Trust, just give me a reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. I'm

Bonjour Justine. Bonjour Greg. Et bonjour à tous. Voici Maroon 5 avant la banque RTL 2, Girls Like You. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. You spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Girls Like You dans le double expresso RTL2. Il est pile poil 8h10. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Nico. Comment ça va? Ça va. Mais ça va bien, de bon matin, on va passer sur l'antenne, donc c'est très bien. Hey, j'entends cet accent, c'est chez moi ça, c'est à côté de Bordeaux. Ouais. C'est quoi, c'est Toulède? Ouais, tout à fait. 106.8, le son pop rock d'RTL2 en région bordelaise. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez un grand fan de musique et de concerts en particulier. Ouais, exactement. On adore, avec ma petite femme, aller voir les concerts. On adore voir les artistes sur scène. Quel est votre dernier concert? YouTube. Oh, pop rock. Ah, sympa. Ça, c'est bien, ça nous fait plaisir. Ah, ça, c'était bien. Ah, ça, ouais, c'était très, très bon. On rêvait d'aller les voir. On a réussi à avoir les places et c'était génial. Et le prochain concert, ce sera lequel? Alors, le prochain concert, on aimerait bien aller voir Muse à Bordeaux, justement. Oui, parmi les trois dates françaises, il y a Bordeaux, effectivement. Exactement. Exactement. Bah, écoutez, peut-être qu'il y a des places pour Muse dans la banque, je sais pas, ça viendra peut-être à tout moment. Enfin, sachez que pour Muse, nous, on vous y invite dès que vous entendez deux titres de Muse à la suite. Hein. Vous allez pouvoir venir les voir en concert. Et en plus, ce sera du côté de Londres. Cadeau exclusivement sur RTL. Ah alors, oui, hein. C'est sûr que là, ça vaut le coup. Et moi, je vous dis ça, si vous aimez Muse, guettez avant midi les deux titres de Muse à la suite. J'ai rien dit. Top chrono pour la banque, une minute jusqu'à 10 000 euros à gagner. Voici le coffre. Un Samsung Galaxy S9. Boom. Ah, ça commence bien, ça commence bien. 859 euros quand même. Ouais, mais je passe. Allez. Ah d'accord, ça commence bien, mais on passe. Coffre 2. Une Xbox One X. Mais non. Alors ça, on est déjà équipé à la maison, donc on va passer. Bon, alors c'est près de 500 euros quand même, coffre 3. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros, ouais, également. Non, on n'est pas trop pâtissier, on va passer. Allez. Mais attention, il y a peut-être des coffres vides, hein. Vous m'angoissez un peu là, Nicolas. Coffre 4. 25 secondes. Une trousse. Bon, ça, on va passer la trousse. Ok, coffre 5. Un ensemble Bose. Ah. Près de 600 euros, il y a une enceinte, il y a des écouteurs, un intra-auriculaire. On est bien équipé, on va passer encore. Oh là là, coffre suivant. Il est là, le fameux coffre vide. Ah, il y a eu plus de 2000 euros de cadeaux. C'est dommage, mais c'est pas grave. On a essayé. Ouais. C'était pas une banque avec séjour, c'était une banque avec beaux objets technologiques. Malheureusement, c'est pas passé pour vous, Nicolas, ce matin. Mais trois cadeaux. D'abord, le mug de l'émission pour boire votre café ou votre thé dans le beau mug du double expresso RTL2. Une belle montre également, une montre Atlas Formen. Mmh. Et également un DVD du film L'école est finie avec Bérangère Krief. Et voilà, c'est pour vous tout ça. C'est génial. On vous embrasse, merci Nicolas. Beaucoup. Merci d'avoir joué avec nous. Si vous voulez faire comme Nicolas, 3228 ou banque au 74-900, on joue dans moins d'une heure. Et Nicolas, merci pour votre bonne humeur. Et Nicolas, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Reach out, touch faith. Jesus. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Or, ce matin, on va encore une fois de plus explorer le corps humain. Est-ce que tu me suis, Justine? Allez, toujours, je te suis jusqu'au bout du monde. Ça m'arrange. On va aller faire un saut dans nos méninges puisqu'on part direction notre cerveau. Tu parles bla bla bla. Et on va vous parler de notre petite voix intérieure ce matin puisqu'on en a toutes et tous une au fond de nous comme ça qui nous papote de temps en temps dans l'oreille. T'en as une? Bah oui, moi je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de toc, je le sais. Donc du coup, oui, j'ai une petite voix ange et démon. Eh oui, t'as une petite voix, Max aussi, sa petite voix. Ah bah oui. Jérém a beaucoup de petites voix, lui. Oui, énormément. Quelqu'un d'assez dangereux. Il a encore plus toqué que moi. On est sur un schizophrène dangereux d'esprit. Ah, bon, voilà. Là, Jonathan n'a pas de petite voix, lui. J'ai une grosse voix. Ouais, non.

ride his shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. George Ezra. Shotgun dans le double expresso RTL de 8h08 et 8 secondes. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Dernière heure du double expresso RTL 2 pour ce mercredi. Bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Hello Justine. Et coucou, salut Greg. Ça va? Oui, ça bon, va. Hier, on parlait d'écologie avec l'Info Expresso de 6h et 8h et l'application WAG, W-A-G. On l'a téléchargée, on a créé un compte du double expresso RTL2. On vous a demandé si ça vous intéressait. Vous nous avez dit oui. Oui, parce qu'on vous a tous téléphoné. Si vous n'avez pas reçu tout de suite, on va le faire tout à l'heure. Hein. Et on peut peut-être en dire un mot avec les défis qu'on s'est lancés. C'est une application pour être éco-responsable, en gros, pour aider la planète. Il y a des défis. Vous êtes, vous avez un pourcentage, en fait. Vous voyez votre évolution. Donc, j'ai créé un compte pour le double expresso RTL2 où tout le monde participe. Par exemple, toi, tu participes comment, Greg? Par exemple, je n'utilise plus de gobelets ici, voilà. Dans les machines à café de RTL2, de Fun Radio et de RTL. On ira chez les copains d'M6 également pour arrêter les gobelets et mettre des mugs du double expresso RTL2. Moi, mon défi personnel, c'est par exemple de ne plus prendre les transports pour les petites distances. Donc, quand j'ai moins de 2 km à faire, je le fais à pied. Exactement. Voilà. Jonathan, son... Bah, moi, je fais vos deux défis. Je fais les deux. Je marche, je prends les mugs et je mange moins de viande aussi. Ah, très bien. Je mange moins de viande. Mais attention, il n'y a rien de moralisateur dans ce qu'on vous dit. C'est juste qu'on a décidé de participer à sauver la planète. Chacun fait évidemment ce qu'il veut en pensant aux autres, c'est la principale idée. Mais là, je trouve ça sympa. Et je vous conseille de télécharger cette application, elle est très bien faite. WAG, W-A-G. Deux, trois messages sur la page Facebook. Oui, on a Christelle qui nous a dit je viens de télécharger l'application. Eric inscrit aussi ce matin et Kevin qui va la tester. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Mais continuez. C'est sur la page Facebook du double expresso RTL de Nathalie Mbruglia, Torn, avant Police ou encore Linkin Park sur RTL 2. Bon mercredi matin à tous. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Perfect sky.

Expresso jusqu'à 9h sur RTL2. Dans le double expresso RTL de 8h21. L'info expresso RTL 2. Bon, là, on crée le débat dans cette info expresso. C'est une info qu'on a trouvée et qu'on avait envie d'évoquer ce matin, même si nous, on n'est pas tout à fait favorable, Justine. Je vous parle d'une entreprise américaine qui est nommée Rescue Time, qui vient d'inventer une location donc, de chiots et de chats. Donc, ça fait parler, bien sûr. Parce que, alors, leur principe, c'est très simple. Si vous souhaitez adopter un animal sur une courte période, mais vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ou si vous avez un besoin d'affection, eh bien, cette start-up répond à vos envies, simplement. En gros, c'est de la location pour de l'affection voilà, ponctuelle. Oui. Mais autant acheter une peluche, c'est-à-dire qu'un animal, il a besoin de soins et d'amour toute l'année. Bien sûr que ça ouvre le débat. Alors, en plus, ça a un prix, hein, $79 les 8 heures au total. Alors, soit vous choisissez en journée ou en nuit. Donc, et il vous propose même de vous livrer le chien ou le chat chez vous avec sa nourriture et ses jouets. C'est assez hallucinant. Oui, parce que c'est 75€ pour dormir avec un toutou si on a peur, quoi. Comme tu le disais, le concept commence déjà à faire polémique parce que, bon, les animaux changent de maître, mais aussi d'environnement plusieurs fois par jour, alors qu'il faut le savoir, les animaux, il leur faut au moins 3 semaines pour s'adapter normalement à un nouvel environnement. Mais alors, comment ils se défendent? Qu'est-ce qu'ils disent en plus-value? Alors, ils se défendent plutôt bien. Ils affirment, en fait, que ce concept pousse les clients à adopter ces animaux et lorsqu'ils grandissent, ils ne peuvent plus être loué. Donc en gros, si ils vous mettent 8 heures avec un petit chaton, vous avez envie de l'adopter. Ah, ok. Enfin, si c'est pas le cas. Oui. Ah, c'est pas cool. Non. Je trouve ça assez choquant. Ouais, on est pas fan du tout, vous l'avez bien compris, mais bon, ça existe. Donnez-nous votre avis, on vous met ça sur la page Facebook de l'émission Le Double Expresso RTL 2. Voici Linkin Park, Shadow of the Day sur RTL 2. Bon mercredi matin. I'll close both locks below the window. qui est un clip qui a dépassé les milliards de vues sur YouTube. Ils font partie du cercle très fermé des groupes qui ont réussi à dépasser les milliards de vues. Et je l'ai vu. Là, c'est bien. Bah, bravo. Bravo, 8h26, l'heure de l'horoscope. Allez, on y va, Greg. Médaille de bronze avec les taureaux. Noyé parmi des milliards d'autres. Les médailles de bronze, les taureaux, votre humeur n'est pas au beau fixe en ce moment. Les balances. Soyez plus rigoureux dans votre travail. Les scorpions. Vous êtes un peu renfrognés. Souriez à la vie. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. C'est ton signe, Justine. Votre dynamisme est toujours très remarqué. Gémeaux. Alors, les gémeaux, une très bonne nouvelle devrait tomber dans les jours à venir. Les cancers. Vous êtes bien décidé à profiter de votre journée, quoi qu'il arrive. Lion. Partout où vous allez, les gens vous remarquent. Mais les vierges. Charisme. Ah, mais j'ai pas fini. Pardon. Quel charisme, Juju. Les vierges maintenant. Voilà, les vierges. La journée parfaite pour passer du temps avec vos proches. Capricorne. Vous démarrez la journée de bonne humeur. Verseau. Aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Rien ne changera votre humeur positive. Les poissons. La chance sera de votre côté aujourd'hui. C'est le moment d'en profiter. Et médaille d'or aujourd'hui pour... Les sagittaires. Vous êtes en pleine forme. Rien ne vous arrête et vos projets se concrétisent. C'est parfait. Louise Attaque, je t'emmène au vent. Et puis le deuxième winner du jour, ce sera avec toi, 8h35. De quoi parle-t-on? Dans un instant, une belle histoire au Canada, digne d'un film Disney. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Ça se passe dans le Double Expresso RTL2. Écoutez RTL2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory, écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio. Allopneu.com. Soleil en hiver, neige au printemps, été indien en automne. S'il n'y a plus de saison, il y a toujours les pneus Goodyear Vector Four Seasons. Un freinage court sur sol sec ou mouillé à découvrir chez vous grâce au montage à domicile Allo Pneus. Soyez gagnant en toute saison. Allo Pneus offre jusqu'à 120€ pour un prochain achat de pneus Goodyear et met en jeu 5000€ de bons d'achat chez nos partenaires. Alors faites-vous plaisir. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 27 novembre 2018. Règlement sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Immanquable ? Pourquoi ? Parce

Les températures, 4 degrés à Colmar ce matin, 6 à Paris et Roubaix, 7 à Saint-Malo, 12 à Hendaye, 14 à Aléria et à Bormes-les-Mimosas. Cet après-midi, ça va se radoucir. On attend 10 degrés à Mulhouse, 12 à Reims, 14 au Mans, 17 à Gruissan et Grenoble et 18 à Monaco. Merci beaucoup. Retour des infos à 9h dans le double expresso RTL2. Il est 8h33. Voici Louise Attaque. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramène devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramène devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Louise Attaque, je t'emmène au vent dans le double expresso RTL 2, il est 9h25. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Trouvé sur CNews ? C'est ça, et comme je vous le disais, je vous parle ce matin d'une histoire digne d'un Disney. Oh, je vois des étoiles dans les yeux. Mais c'est une histoire qui me donne foi en la vie. Ah non, mais c'est la drogue, pardon. Adam, enfin. C'est un sans-abri canadien qui a récemment vécu une histoire peu banale. Tout est parti d'une illustration d'une œuvre d'art qui représentait Bambi, qu'il avait retrouvée dans une poubelle. Donc le SDF l'a revendue dans un magasin d'antiquités, il avait besoin d'argent, il l'a revendue à 20 dollars à un certain Alex. Voilà. Et ce Alex, bah, il a décidé de revendre cette photo sur eBay. D'accord. Il s'est révélé que cette photo, elle est plutôt rare et plutôt authentique. Et elle coûtait 3700 euros. Ah, quand même. Ah, vrai. Oui. Ah, mais c'est une planche originale, en fait. C'est une planche originale du dessin animé Bambi de 1942 de Walt Disney. Bambi. Ah, 3700 euros. Sacré bénef. Et Alex, il est quand même très fair play, parce qu'Alex, il s'est mis à la recherche du SDF Adam pour lui donner une partie de la somme. Ah, il s'est ouais. pas dit, je garde tout pour moi. Tu vois, ah, il a pas fait comme bien. Toi, Greg. Ça lui a pris trois semaines. Il a fait des rondes dans toute la ville en voiture pour trouver Adam. Il l'a fini par le retrouver. Il lui a donné une belle enveloppe, 1600 dollars, donc la moitié. Ah, c'est bien. Et avec cet argent,

Auchan. Voir modalités et liste des magasins participants sur Auchan.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Immanquable ? Pourquoi ? Parce que le forfait 60 gigas sans engagement est à 9,99€ par mois à vie au lieu de 18,99€ par mois. À vie ? Oui, à vie, avec la maxi remise box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019, à la Poste Mobile, pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60 gigas à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres box et mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre box. Voir conditions sur lapostemobile.fr. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. On écoute le dernier Cat Centuries, If You Feel, sur RTL2. You're not coming home, I have to meet with you. You're not coming home, I take my time with you. Visions on the TV crush my mind. The crash acts like a dog, I'm losing time. You're my sister, the tattoo on my skin. As you lead me underneath the stars. You're my sister, the tattoo on my skin. You build a neon castle with your eyes. Like a drum, drum close to you. You're my sister, the tattoo on my skin. You build a neon castle. On joue à la banque. Avec des séjours Thalazur pour deux personnes à gagner, bien sûr, jusqu'à 10 000 euros. 32-28 et tout de suite, voici Queen Somebody to Love sur RTL2. Bon mercredi matin. of my life. I worked till I ate my bones. At the end, of the day, I take home my heart on me. Somebody to love sur RTL2. Et alors, on a chanté dans le studio, mes enfants, on est crevés, tiens. C'est l'heure de la banque RTL2. Virginie a été sélectionnée par SMS, elle a joué au 3228, ça c'est le téléphone, mais par SMS, donc 74 900. Et vous bonjour, envoyez Virginie. Le mot banque, voilà. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Greg, bonjour Justine. Ah, j'avais perdu le numéro du SMS, moi. Pff. Bah oui, j'ai trop chanté, j'ai trop chanté sur Queen. Ouais. Virginie. Oui. Bon anniversaire. Oui. Ça vous fait quel âge? Vous avez quel âge? 33 ans. Oh là là, magnifique. Vous êtes jeune. Saint-Étienne-du-Grès, c'est vers Arles, c'est ça hein? Oui, c'est ça. C'est un petit village entre Arles et la Provence, Saint-Rémy, Fontvieille, tout ça. Voilà. Ah, eh ben, je sais, mais je dis n'importe quoi, moi. Mes beaux-parents habitent là-bas, je les embrasse. Hein? Ah, ben bonjour. Eh ben, vous savez quoi, on se prendra un apéro tranquille, Virginie, ensemble, quand je descendrai. Avec plaisir, oui. Bon. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui, racontez-nous. Eh ben écoutez, je suis en famille avec mon mari et mes enfants. Je sais pas, j'attends de savoir justement quelle surprise ils m'ont organisée, prévue. Voilà. Bah, la journée d'anniversaire, c'est la meilleure journée de l'année. Sauf quand il est petit, là, c'est chouette. Sauf si monsieur oublie. T'imagines l'info. Ah, ouais, quand même. Ah, là, ça devient la pire journée de l'année. Ça t'est déjà arrivé, toi? Non, jamais. Ah. Je n'oublie pas l'anniversaire. Non. J'oublie tout le reste, mais pas l'anniversaire. Attention, on y va pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Top chrono, une minute. Gare au coffre vide, coffre 1. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. À 200 mètres de chez vous. Coffre 2. Un pack PS4 et le jeu Spider-Man. Je passe aussi. 359 euros. Bon. Coffre 3. Un séjour à l'Azur pour deux personnes. Wouh, 1700 euros. Ah oui, je prends ça. Ok. Vous êtes sûr qu'on prend ça? Il y a peut-être 5000, 10000 ou rien d'ailleurs. Oui, derrière. Mais je préfère les valeurs sûres et on a besoin de se détendre un peu, c'est chouette. Eh ben, bravo! Oui, merci beaucoup. C'est un séjour pour deux personnes donc à l'hôtel Les Bains d'Arguin, Thal Azur, Thal Asoterapie et Spa à Arcachon. Un hôtel 4 étoiles, 1700 euros. Hébergement 3 jours, 3 nuits en cure escale détente zen. Vous avez la demi-pension et s'il vous plaît, 9 soins. Ouais, c'est super bien. C'est génial. Je le connais en plus. C'est une belle région. C'est chez moi. Je peux vous dire que vous serez bien reçu et c'est magnifique. Voilà. Ah oui, mais j'ai entendu parler, pareil, c'est magnifique. Ce sera l'occasion de faire de belles balades. Ah, génial. Voilà. Merci beaucoup. Profitez bien du bassin d'Arcachon, de la dune du Pila, du Moulot. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Oh là! Bien joué! Bien fait. On vous embrasse, bel anniversaire ce soir en famille, Virginie, et... Encore bon anniversaire, et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL de Virginie? Un triple, un quadruple expresso! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me, family, hey! All the blood that I will bleed. Sur RTL2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Et comme disent les Américains, let's go for the lol. C'est le moment de retrouver Jonathan O'Donnell pour son top 3 de l'actu.